si on s'est lieu réunis dans la prière, nous t'invitons, Saint-Esprit. Répands sur nous ta puissance, comme au jour de la Pentecôte. Que le lame de feu enflamme nos cœurs d'une adoration incommensurable, qui élèvera un parfum de bonne odeur. Feliz.